بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue l'explication, la lecture et le commentaire de ce livre très profitable, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Le chapitre qu'on avait vu précédemment nous montrait l'importance de toujours garder une bonne opinion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le croyant doit toujours avoir une bonne opinion de son Seigneur. Savoir que peu importe la difficulté et peu importe le degré des épreuves, Allah, tabaraka wa ta'ala, est l'allié des croyants et ne les laisse pas tomber. Le serviteur doit avoir la certitude de cela et obéir à son Seigneur afin de profiter du secours et de l'aide de son Seigneur. Et certes, ce sujet qu'on a vu la semaine dernière, en réalité, il concerne aussi une grave erreur concernant le destin. La personne qui, en réalité, va avoir une mauvaise opinion de son Seigneur, penser que son Seigneur abandonne les croyants, etc., etc., cette personne va être touchée par les épreuves qui la touchent et ne va pas faire le lien entre le destin, entre le fait que Allah tabaraka wa ta'ala ait prédestiné cela et que cela devait arriver, et ceci par la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà pourquoi l'auteur, après cela, il nous dit « Babun ma ja'a fi munkiri al-qadar » Le chapitre, les textes faisant allusion, les textes montrant ceux qui rejettent le destin. Et donc ici, l'auteur, rahimahullah, il nous montre qu'il est obligatoire de croire au destin, que cela fait partie de la croyance islamique. Certains vont me dire, mais quel est le lien entre ce sujet et at-tawhid ? Na'am. Ce sujet fait partie du tawhid, car celui qui ne croit pas au destin sort de l'islam. Celui qui ne croit pas au destin sort de l'islam, comme on le verra. Il nous dit, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, wa qala ibn Umar, radiyallahu anhuma, ibn Umar qui dit, radiyallahu anhuma, walladhi nafsu ibn Umar biyadihi, law kana li ahadihim mislu uhudin zahaba, thumma anfaqahu fi sabilillah, ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar, thumma stadalla bi qawlin nabi, sallallahu alayhi wa sallam, الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. Et donc le hadith d'Ibn Omar, Ibn Omar qui dit, par celui dont mon âme est entre ses mains, si l'un d'entre eux dépense donc en aumône une valeur équivalente et donc semblable à la montagne de Uhud en or, et donc si un d'entre eux possédait cela et le dépensait dans le sentier d'Allah, Allah n'aurait pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. Puis Ibn Omar, donc ici, c'est à utiliser comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon et mauvais, rapporté par Muslim. Ce hadith-là, il nous rappelle quel hadith ? Il nous rappelle quel hadith, les frères ? Un hadith connu. Hein ? C'est lequel qui parle des cinq piliers ? En sachant que lui, il parle là, il a parlé de la foi. Et donc ça nous rappelle quel hadith ? Hadith de Jibril, barakallahu fik. Et donc ça, en réalité, c'est une partie du hadith de Jibril. Vous allez me dire, mais le hadith de Jibril, c'est pas le hadith de Ibn Omar. C'est le hadith de Omar. C'est pas le hadith du fils de Omar, c'est Omar qui le rapporte. En réalité, barakallahu fikum, ce hadith, il est dans Sahihayn. Il est dans Sahihayn, al-Bukhari a cité la version rapportée par Omar. Muslim, il a cité un rajout à cela, plus que cela encore, avant donc que Ibn Omar nous cite les propos de son père Omar, qui nous rapporte les propos du prophète, il y a, sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi donc des points importants dans ce hadith que l'imam Muslim a cité dans son Sahih. Quels sont ces points importants? Eh bien, il faut savoir qu'après après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc durant l'époque des tabi'in, il restait encore quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là qu'est apparu donc en Basra Ma'bad al-Juhani, Ma'bad ibn Khalid al-Juhani. Et cet homme avait une croyance déviante, le fait de rejeter le destin. Le fait de rejeter le destin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah ne connaît pas les choses jusqu'à ce qu'elles se produisent. Exemple, aujourd'hui, on a notre frère, donc Souleymane, nos frères Souleymane et Ismaïl qui sont venus à la mosquée, et ils ne s'attendaient pas à trouver Souleymane, le petit. Et donc, ils ne savaient pas que Souleymane allait être là. Parce que nous sommes des êtres humains, on ne connaît pas le futur, on ne sait pas ce qui va arriver. Eh bien, ces gens-là prétendent que Allah tabaraka wa ta'ala, il est comme ça. Il ne connaît les choses que lorsqu'elles sont arrivées. Mais, il ne connaît pas les choses futures. Et donc, ils ont rejeté le destin et la connaissance, donc, parfaite d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais c'est impressionnant de savoir que Ma'bad al-Juhani, il y a des gens qui l'ont suivi. Malgré cette croyance déviante, il y a des gens qui l'ont suivi. Et ces gens qui l'ont suivi, il est important de savoir qu'il y a parmi eux des gens qui étudiaient. C'est pour ça que dans la narration de l'imam Muslim, il y a deux hommes donc, qui sont allés voir Ibn Omar. Ces deux hommes sont Yahya ibn Ya'mar, ainsi que Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Yahya ibn Ya'mar, ainsi que Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Les deux, ils se sont dit, lorsqu'ils ont vu cette fitna arriver, ils ont vu un mal, ils ont vu quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce qu'ils ont dit, bon alors, on va regarder, viens, on discute entre nous, ou... Non, ils ont dit, viens, on va faire le hajj ou la umra, et on va essayer de rencontrer un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, on veut rencontrer un savant. Parce qu'à cette époque, c'était qui les savants? C'était ceux qui étaient encore vivants parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est important que lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une divergence, lorsqu'on a un doute, on va voir les gens de science, les gens qui ont du ilm, on va pas voir n'importe qui. On ne va pas voir n'importe qui. Et donc ils nous disent, Farouf fiqalana Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, dakhilan al-masjid. Et donc, nous avons pu, donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis de rencontrer Abdullah ibn Omar à l'intérieur de la mosquée. Alors, nous nous sommes mis à côté de lui, un à droite, l'autre à gauche, et on lui a expliqué que Zahara min Qibalina, il est apparu chez nous, des hommes, écoutez bien, des hommes qui étudient. Yakraoun al-Qur'an, ils récitent le Coran. Wa yatakaffaroun al-ilma, ils étudient la science, mashallah. وَيَكُولُونَ إِنَّ الْأَمْرَ أُنُوفُ. Et ils disent que Allah ne connaît les choses qu'une fois qu'elles se sont produites. On fait quoi? Et donc ici on voit qu'il est possible que des gens étudient, que des gens récitent le Coran et qu'ils ne le comprennent pas. Ils récitent le Coran et ne le comprennent pas. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, il dit clairement « Inna kulla shay'in khalaqanahu bi qadar » Certes, toute chose, nous l'avons créée avec prédestination. Toute chose, nous l'avons créée avec prédestination. Et donc il est possible que des gens lisent, ils étudient, c'est des étudiants en sciences, ou il se peut qu'ils soient diplômés même. Mais que non, ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi, une fois, je discutais de ce sujet avec le cheikh Abdelrani Aouissed d'Algérie, qu'Allah le préserve. Et il disait que le diplôme universitaire est une preuve que tu as étudié. Mais ce n'est pas une preuve que tu as compris. C'est une preuve que tu as étudié, effectivement, tu as étudié jusqu'à tel niveau, mais ça ne veut pas dire que tu as compris. Et donc il est important que nous, on ne soit pas leurrés par cela. Ce n'est pas parce qu'une personne nous dit « Il a étudié en Arabie Saoudite. Ah, mashallah, mashallah. Il a étudié au Yémen. Ah, mashallah. Il a étudié. Ah, mashallah. » Non, est-ce qu'il a compris ce qu'il a étudié? Est-ce qu'il a compris? Et ensuite, quelle a été la réaction d'Abdullah ibn Omar lorsqu'il a entendu cela? Quelle a été sa réaction? Est-ce qu'il leur a dit, ben venez, on va chercher les autres compagnons, comme ça s'il y a unanimité, ben on sera... Non, il n'a pas cherché d'unanimité. Parce qu'il n'y a pas d'unanimité, on ne cherche pas d'unanimité dans ce sujet. Dès qu'il y a la preuve, c'est terminé. On s'accroche à la preuve. Alors il leur a dit, fais akhbirhum. Alors tu vois ces gens-là qui sont chez vous, qui rejettent le destin, informe-leur. Anni, Abdullah ibn Omar, que moi, Abdullah ibn Omar, je me désavoue d'eux. Et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Il veut leur dire quoi là? Moi je fais, alhamdoulilah, je fais partie des compagnons. Je me désavoue de vous, de ce sur quoi vous êtes. Et vous n'aviez rien à voir avec moi. Par celui dont Abdullah ibn Omar jure, ces gens-là, même s'ils possèdent la montagne de Uhud en or et qu'ils le dépensent dans le sentier d'Allah, Allah n'acceptera pas d'eux. Al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah, il explique ce hadith et il nous dit ça, c'est un takfir sarih d'Ibn Omar. Il dit ici, il est clair que Ibn Omar, il nous montre que ces gens-là sont des incroyants. Pourquoi? Parce qu'il dit, Allah n'acceptera pas d'eux, même s'ils dépensent telle une grande somme, il n'accepte pas d'eux. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'ils courent au destin. Parce que le fait de rejeter le destin, c'est sortir de l'islam. Ensuite, Ibn Omar, il ramène sa preuve. Et ça, c'est important, parce qu'en islam, il nous faut des preuves. Lorsque tu parles avec preuve. Si tu parles sur quelqu'un, tu parles avec preuve. Hein, c'est pas comme certaines personnes, ils parlent sur des gens, lorsqu'on leur demande, mais alors, quels sont tes arguments? On va chercher, dans le dossier. Oui, on va voir. Non, non. Il faut ramener une preuve. Abdullah ibn Omar, il a parlé sur eux. Et il a dit que ces gens-là sont sortis de l'islam. Il a montré qu'ils sont sortis de l'islam. Et ensuite, est-ce qu'il a gardé le silence? Non, il a cité sa preuve. Sami'tu Abi, j'ai entendu mon père. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et là, il a cité le hadith de Jibril. Et dans ce hadith, Jibril qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'interroge concernant l'iman, la foi. La foi, qu'est-ce que la foi? أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Et donc les six piliers de la foi, dont le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc on doit y croire, on n'a pas le droit de le rejeter. On comprend dans ce hadith que celui qui rejette un des piliers de la foi sort de l'islam. Celui qui rejette un des piliers de la foi sort de l'islam. Et donc ici, barakallahu fikum, on comprend l'importance de ce sujet, que le croyant ne rejette pas ce fondement, la croyance au destin. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, « Wa an ubadat ibn al-samiti radiyallahu anhu annahu qala libnihi, ya bunay. » إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني سبحان الله. Et donc ici l'auteur qui nous cite un hadith très important, hadith rapporté dans le Sunan d'Abi Daoud et d'autres recueils encore, hadith de Ubadah ibn Samit, qui donne une recommandation à son fils. Masha'Allah, masha'Allah. Aujourd'hui, pour beaucoup, donner une recommandation à son fils, c'est dire, oh mon fils, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu sois riche, il faut que, masha'Allah, alik, masha'Allah, une maison, et si, et ça. Et là, ici, comment étaient les pieux prédécesseurs? Recommandation religieuse. Oh mon fils, ya bounei, tu ne goûteras pas aux délices de la foi jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'a touché ne pouvait pas te rater. Et ce qui ne t'a pas atteint ne pouvait pas t'atteindre. Ça veut dire quoi? Le destin. Ce qui t'a touché, il y a un mal qui t'a touché, eh bien, ne va pas te plaindre, parce que ce mal qui t'a touché ne pouvait pas te rater. Il était déjà écrit. C'était déjà écrit que tel et tel jour, telle et telle heure, t'allais tomber dans telle et telle chose. Et donc, ne te plains pas. Et ce qui t'a raté, si y a un accident ou autre, et que toi t'es sorti indemne, rien du tout, ne pense pas que c'est parce que t'es plus fort, ou que t'es plus beau, ou que t'avais une plus belle voiture. Non. Ce qui t'a raté ne pouvait pas t'atteindre, parce que Allah avait déjà écrit que tel et tel jour, telle et telle heure, tel et tel moment, tel et tel endroit, tu allais être sauvé de tel et tel mal. Et donc tu ne goûteras pas aux délices de la foi tant que tu n'auras pas compris cela, ô mon fils. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque Allah a créé la plume, il lui dit, écris. La plume qui dit, mais qu'est-ce que j'écris au Seigneur? Il lui a dit, écris la prédestination de toutes choses jusqu'à l'heure donc de la résurrection, jusqu'à l'heure de la fin des temps. Yabunei, oh mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui meurt sans cela, donc sur une autre croyance que celle-là, ne fait pas partie des miens. Celui qui meurt sur une autre croyance que cela ne fait pas partie des miens. Ensuite, l'auteur qui nous dit, dans une narration, dans le recueil de l'imam Ahmed, إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. Et donc dans la narration de l'imam Ahmed, dès que Allah tabaraka wa ta'ala a créé la plume, il lui a dit écrit. Et donc à ce moment-là, il s'est passé, et donc à cet instant, il s'est passé tout ce qui devait se produire jusqu'au jour de Al-Qiyama, de la résurrection. وفي رواية لابن وهب. Et donc dans une narration de Ibn Wahm, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibn Wahm, il n'a pas rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la chaîne de transmission elle est faible, mais le sens est authentique. Quel est le sens? فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ. Celui qui ne croit pas au destin, qu'il soit bon ou mauvais, Allah le fera brûler dans le feu. Et donc la chaîne de transmission elle est faible, mais le sens est correct. Puisque celui qui ne croit pas au destin sort de l'islam. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي ما شاء الله. Dans le musnad ainsi que sunan d'après Ibn al-Daylami, qui dit, je suis allé voir Ubay ibn Ka'b. Et donc il est allé voir un savant. il a eu un problème, il est allé voir un savant. Il lui a dit, j'ai dans mon cœur quelque chose concernant le destin. Ça peut être un doute, une maladie, j'ai quelque chose concernant le destin. J'ai un problème concernant le destin. Alors, récite-moi quelque chose, afin qu'Allah enlève cela de mon cœur. Et donc, il est allé voir un savant pour l'aider à purifier son cœur. Il est sincère. J'ai une ambiguïté. J'aimerais bien qu'on me l'enlève. Il n'est pas allé là-bas pour débattre. Ah oui, mais tel avis dit que, tel savant dit que, Non, il n'est pas allé pour débattre. Il est allé sincèrement demander la vérité. Fekol. Alors là, Ubay ibn Ka'b, il lui a répondu. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لو ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار سبحان الله. Écoutez ce conseil qu'il dit Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه il lui dit: si tu dépenses, si tu fais une dépense semblable à la montagne d'or, la montagne de Uhud en or, Allah n'acceptera pas de toi jusqu'à ce que tu croies au destin. Et que tu saches que ce qui t'a touché ne pouvait pas te rater et que ce qui t'a raté ne pouvait pas te toucher. Et si tu meurs sur autre chose que cela, tu feras partie des gens du feu. Subhanallah. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, si tu leur dis ça, ils ne vont pas réaliser la parole que tu leur dis, l'importance. Les gens, ils se concentrent sur quoi? Ah, tu m'as kafar, tu m'as traité d'incroyant, tu m'as bedder, tu m'as critiqué, tu as dit que si je meurs comme ça, je vais dans le feu. Et il est important, chers frères, d'accepter la vérité, d'accepter la preuve claire, nette et évidente. Il est allé voir un médecin, un savant, médecin du cœur, par rapport à une maladie qu'il avait dans le cœur, et ce médecin lui a donné le traitement pour se soigner. Il dit, Ad-Daylami, fa'ataytu Abdallah ibn Mas'ud wa Hudhayfah ibn al-Yaman وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. À ce moment-là, je suis allé voir Ibn Mas'ud, je suis allé voir Hudhayfa, je suis allé voir Zayd ibn Thabit, plusieurs des compagnons du messager d'Allah, pour leur expliquer la même situation. فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Chacun d'entre eux, ils m'ont tous citer le même hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, oh chers frères, il nous apparaît clairement que nous ne pouvons pas rejeter cette croyance au destin. De la même manière que nous devons aussi comprendre qu'en islam, nous devons accepter les conseils qui sont donnés. Que le conseil soit dur ou que le conseil soit doux. Celui qui donne le conseil va évaluer. Est-ce que le conseil doit être donné de manière douce ou est-ce que le conseil doit être donné durement? Les savants comme le Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, ils nous disent qu'on fait la distinction entre une personne qui sait et une personne qui ne sait pas. Dans plusieurs situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de douceur envers celui qui ne sait pas. Comme celui, le bédouin qui est venu et qui a uriné dans la mosquée. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons de le laisser finir, de ne pas le déranger. Et ensuite, il a demandé de nettoyer l'impureté qu'il y avait. Et ensuite, il lui a expliqué que dans la mosquée, il n'est pas convenable qu'on ait des impuretés, etc. Par contre, concernant un homme qui avait sur lui de l'or, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà interdit cela, Là, le prophète, il a été dur. Les savants, ils disent, parce que cet homme-là, il savait. Il savait. Le prophète, il a arraché ça de sa main. Il l'a arraché. Il ne lui a pas dit, il a arraché de sa main. Il l'a jeté. Et donc, barakallahu fikoum, il faut comprendre que parfois, le conseil, il va être doux. Et parfois, le conseil, il va être dur en fonction de la situation. Mais dans tous les cas, celui qui est conseillé doit accepter le conseil. Il doit accepter le conseil. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.